Premier livre de Samuel, chapitre 19. Et Saül parla à Jonathan, son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David, mais Jonathan fils de Saül était fort affectionné à David. C'est pourquoi Jonathan le fit savoir à David, et lui dit, « Saül mon père cherche de te faire mourir, maintenant donc tiens-toi sur tes gardes, je te prie, jusqu'au matin, et demeure en quelque lieu secret, et te cache. Et quand je me serai tenu auprès de mon père, je sortirai au champ où tu seras, car je parlerai de toi à mon père, et je verrai ce qu'il en sera, et te le ferai savoir. » Jonathan donc parla favorablement de David à Saül son père, et lui dit, « Que le roi ne pèche point contre son serviteur David, car il n'a point péché contre toi, et même ce qu'il a fait est fort avantageux. Car il a exposé sa vie, et a frappé le Philistin, et l'Éternel a donné une grande délivrance à tout Israël, tu l'as vu, et tu t'en es réjoui, pourquoi donc pécherais-tu contre le sang innocent, en faisant mourir David sans cause ?» Et Saül prêta l'oreille à la voix de Jonathan et jura, « L'Éternel est vivant, si on le fait mourir. » Alors Jonathan appela David, et lui récita toutes ces choses. Et Jonathan amena David à Saül, et il fut à son service comme auparavant. Et la guerre recommença, et David sortit et combattit contre les Philistins, et en fit un grand carnage, de sorte qu'ils s'enfuirent de devant lui. Or l'esprit malin envoyé de l'Éternel fut sur Saül, comme il était assis dans sa maison, ayant sa hallebarde dans sa main, et David jouait de sa main. Et Saül cherchait de frapper David avec la hallebarde jusqu'à la paroi, mais il se glissa de devant Saül, qui frappa la paroi de la hallebarde, et David s'enfuit, et échappa cette nuit-là. Mais Saül envoya des messagers en la maison de David, pour le garder, et le faire mourir au matin. Ce que Michal, femme de David lui apprit, en disant, « Si tu ne te sauves, demain on te va faire mourir. » Et Michal fit descendre David par une fenêtre, et ainsi il s'en alla, et s'enfuit, et échappa. Ensuite Michal prit un simulacre, et le mit au lit, et mit à son chevet une ure de poil de chèvre, et le couvrit d'un vêtement. Et quand Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, « Il est malade. » Saül envoya encore des gens pour prendre David, en leur disant, « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens donc vinrent, et voici, un simulacre était au lit, et la hure de poil de chèvre à son chevet. Et Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu ainsi trompé, et as-tu laissé aller mon ennemi, de sorte qu'il est échappé ?» Et Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, « Laisse-moi aller, pourquoi te tuerais-je ?» Ainsi David s'enfuit, et échappa, et s'en vint vers Samuel à Rama, et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il s'en alla avec Samuel, et ils demeurèrent à Najoth. Et on le rapporta à Saül, en lui disant, « Voilà, David est à Najoth en Rama. » Alors Saül envoya des gens pour prendre David, lesquels virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, et Samuel, qui présidait sur eux, se tenait là. Et l'Esprit de Dieu vint sur les hommes envoyés par Saül, et eux aussi firent les prophètes. Et quand on lui rapportait à Saül, il envoya d'autres gens, qui firent aussi les prophètes. Et Saül continua d'envoyer des gens pour la troisième fois, et ils firent aussi les prophètes. Puis lui-même aussi alla à Rama, et vint jusqu'à la grande fosse qui est à Secu, et s'informa disant, où sont Samuel et David, et on lui répondit, les voilà à Najoth en Rama. Et il s'en alla à Najoth en Rama, et l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et continuant son chemin il fit le prophète, jusqu'à ce qu'il fût venu à Najoth en Rama. Il se dépouilla aussi de ses vêtements, et fit le prophète lui-même en la présence de Samuel, et se jeta par terre nu, tout ce jour-là, et toute la nuit. C'est pourquoi on dit, Saül aussi est-il entre les prophètes?